Écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Et maintenant, nous allons parler de l'amour avec l'au-delà. Avec l'au-delà, oui. C'est beau, hein? Ben oui, c'est beau, parce que pour moi, l'amour, la mort n'arrête pas l'amour. Parce que, enfin, ça, ce sera dans ma conclusion. Donc, perdre un être cher est dévastateur et provoque une des pires douleurs que l'homme peut ressentir, je pense. Qu'en est-il de l'amour au-delà de la mort? Son âme est-elle toujours présente ou l'avons-nous perdue à jamais? L'amour peut être si intense que notre défunt peut-il encore être présent? Que vous y croyez ou pas, certaines choses nous dépassent et plusieurs témoignages ont prouvé que c'était possible de rentrer en contact avec un être disparu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des techniques pouvant amener à la prise de contact avec un mort, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent... Le deuil, le chagrin est beaucoup trop fort et donc veulent rentrer en contact avec un de leurs défunts. Donc il n'y a pas que le conjoint, comme on a dit tantôt, il y a une personne de la famille, une personne proche, enfin voilà. Donc la première, c'est parler à son défunt seul, par l'unique pensée. Donc il faut savoir faire le vide dans sa tête, dans son esprit. Attention que c'est un travail qui est très long et qui peut être fatigant. C'est entrer dans une sorte d'état de transe, donc à chaque moment un peu plus. Il faut tenter de ne plus avoir conscience du monde physique qui nous entoure. Une fois dans cet état, nous pouvons ressentir une certaine présence. À ce moment-là, on pourra commencer à communiquer avec le mort. Cependant, il ne faut pas lui parler comme à un être normal. Nous allons surtout communiquer par la force de la pensée. On peut lui demander de se manifester par le biais de sons, d'objets, etc. Mais ça, donc, comme je le disais, c'est un travail qui est très très long, parce que c'est du travail, il faut coacher son mental, et c'est comme de la méditation en fait. Il faut rentrer vraiment dans un état de vide total, et à un moment on va ressentir en nous quelque chose, et que ce soit la présence du défunt ou autre chose, enfin, ça c'est quand même assez chacun vit ça différemment, quoi. Donc il y a un autre moyen, si nous ne voulons pas de ce travail extrêmement long, on peut faire appel à un voyant ou à un médium, qui eux sont plus aptes à rentrer en communication avec l'au-delà. Certains peuvent nous demander une photo, un objet appartenant au mort ou toute autre chose. C'est à travers lui que le disparu passera et communiquera avec nous. Attention, il faut bien choisir son voyant ou son médium, parce qu'il y a énormément de charlatans. Il ne faut pas vous affecter plus que ce que vous ne l'êtes déjà avec un imposteur. Donc il faut faire très attention. Parfois, il ne suffit pas juste de noter sur Google voyant ou médium. Il faut quand même se renseigner avant, mm-hmm. quoi, parce qu'il y en a combien qui se font avoir, et puis finalement ça ne sert à rien, et le mal est encore plus profond. Donc ça, c'est une des techniques les plus répandues, c'est vraiment le voyant ou le médium. Et comme vous en avez expliqué, parfois ça peut être fou, parce que je pense que c'est Max qui expliquait ça tantôt hors antenne. Oui, hein. Hors antenne, ouais, je ne sais plus. C'est possible, ouais. C'est vrai. Je ne sais plus. Effectivement. Ouais, c'est juste. Moi, oui, voilà. Il disait que... non, je ne sais plus, en fait, moi. Mais... enfin, voilà, bref, si vous voulez... ce qui est hors antenne et hors antenne. Voilà, vous pouvez faire appel à une personne extérieure. Alors, on a expliqué ça aussi, la transcommunication. Mmh. La transcommunication, c'est les voyants, les médiums qui écrivent, mais il y a la transcommunication instrumentale. Ouais. Donc, avec l'aide d'enregistrements audio, on peut tenter de rentrer en communication avec le défunt. Vous devez alors prendre un enregistreur et enregistrer votre voix qui lui parle. Mm-hmm. Donc, un poste de radio brouillé. Voilà, un poste de radio brouillé, ou alors un enregistreur, c'est ça, ouais. Avec une cassette. Mm-hmm. En fait, vous le mettez en marche, vous commencez à parler. Et lorsque vous allez écouter cette bande son, vous pouvez entendre le défunt qui se manifeste, souvent de manière très subtile. Par des mots, des phrases. Et attention que ce n'est pas le son d'une voix humaine. C'est souvent une voix plus grave ou plus aiguë. Enfin, c'est vraiment. Parfois ça peut être comme ça, ou parfois ça peut être juste un mot qui est très fort, mais c'est très subtil. Parfois il faut un certain temps, il faut réécouter et mettre le son au maximum pour vraiment entendre la voix. Alors, cette méthode comporte cependant des risques, comme pour toutes. En effet, il peut y avoir une entité non désirée qui se fait passer pour l'être aimé. Donc, on peut entendre une voix, mais ce n'est pas la personne que nous voulons. Oui, ça peut être quelqu'un d'autre, quoi. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être quelqu'un qui est mal intentionné. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention avec cette méthode-là. Alors, il y a aussi. Ce sont des portes ouvertes, hein, comme on le disait. Des portes ouvertes, on ne sait jamais vraiment quoi, et peut-être que l'esprit, l'entité peut se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Et ouais. Donc c'est très dangereux et peut rester, en plus sa présence peut rester. Manipulateurs. Manipulateurs et malveillants. Malveillants, ouais. Alors, donc il y a aussi les séances de spiritisme, donc très répandues, qui peuvent également être utilisées. Il s'agit de se retrouver à plusieurs. Moi j'ai lu que c'était au moins 3 personnes. Pour que ça fonctionne, il faut au moins que ce soit 3 personnes. Pourquoi on fait toujours ce lien, que je t'interrompe, on fait toujours ce lien avec 3, enfin partout, c'est un rapport en fait avec le christianisme en fait, ouais. le 3, la trinité, et à la base avec tout ce qui est en fait le christianisme par rapport à tout ce qui est des celtes en fait aussi, hein, mm-hmm. Parce que les celtes c'est également la terre, l'eau, le feu, enfin bref, voilà, mais autrement c'est par rapport au christianisme, pour tout ce qui est des histoires, okay. Du spiritisme. Ben, c'est toujours bon à savoir. Mais voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui en font tout seuls, des séances de spiritisme. Oui, c'est possible. Ouais, et alors ça, attention, pour une séance de spiritisme, il faut cependant avoir une ouverture d'esprit. Donc si vous avez quelqu'un dans votre séance qui est fermé d'esprit, qui n'y croit pas, ça ne va généralement pas fonctionner. Il faut que tout le monde y croit et l'énergie sera tellement forte que l'entité va se manifester. Donc on a la méthode la plus répandue, la table de Ouija. Vous pouvez aussi le faire avec un verre. Donc ça c'est... je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir une table de Ouija. On ne peut pas faire juste avec un verre. Comme Max disait tout à l'heure, en fait tu peux avoir une feuille avec toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, et puis ensuite le oui et le non. Donc en fait tu diriges le verre qui va aller vers le oui, le non et les lettres. Et en fait au fur et à mesure tu dois prendre note des lettres qui vont être... Et le verre a de l'importance ? Le verre a de l'importance parce que tout le monde doit mettre en fait ses doigts dessus. Mais le type de verre ? Ouf, alors là, tu me poses une colle, je pense pas. Et honnêtement, je déconseille quiconque à jouer au Ouija. Mais il paraît que tu fais ça avec n'importe quel verre. Pourtant, tantôt dans ton histoire, tu disais pas ça. Tu disais qu'elle avait mal cassé le verre. Mais il a raconté des couillonnades aussi en même temps. Ah, ok, d'accord. Pas écouter tout ce que je dis. Bah, évidemment. Où j'en étais. Donc cette méthode peut être très risquée car vous pouvez faire venir un esprit mauvais et non bienveillant. Donc moi je vous suggère de faire appel à un professionnel si vous voulez faire une séance de Ouija. Bah, en fait moi pour tout ce qui touche au paranormal, au spiritisme, aux appels d'entités, je pense qu'il faut être avec quelqu'un qui s'y connaît et ne pas faire ça comme ça dans le vent. Et surtout quand on fait une séance de Ouija ou de spiritisme, il faut pas faire ça dans le simple but de s'amuser ou par curiosité. Il faut vraiment avoir un but. Si on est vraiment dans un but de rigolade, ça peut très mal tourner et ça après parfois c'est irréversible en fait. Ouais. Dès que ça a appelé et dès que c'est là, la présence est là et on ne sait pas en fait vraiment ce qu'on a fait et qui on a appelé. Et l'important c'est quand on débute une séance de Ouija, c'est que quand on arrive à la fin, dire au revoir, merci. Voilà, et très poli, avoir les règles de la politesse. Ne pas partir en disant oh putain j'ai peur. Comme dans la vraie vie quoi d'ailleurs. Et surtout ne pas enlever son doigt, c'est ça. Je pense que j'avais lu aussi qu'il fallait pas enlever son doigt, donc personne ne peut enlever son doigt de la. Ouais, on va se poser des questions parce qu'on catch des mots ici. Faut pas enlever son doigt. Non, mais non, mais il paraît que tous les participants ne peuvent pas. Si tu veux retirer ton doigt du verre, il faut que tu dises au revoir. Tu coupes le lien en fait. Ouais. Et si tu enlèves ton doigt comme ça, même un seul participant, tu casses le lien. Et à ce moment-là, quelque chose peut se manifester. Et c'est pas vraiment chouette quoi. Alors. Ah ok. Alors la dernière chose, c'est vous pouvez aussi utiliser l'aide d'un miroir. Donc seul, vous devez vous tenir devant votre miroir, vous concentrer, faire le vide dans votre tête et avoir en tête le visage du défunt, les yeux fermés. Puis tout doucement, vous ouvrez vos yeux, vous pouvez alors voir son reflet. Lorsque cela se produit, vous pouvez commencer à poser des questions et rentrer en communication. Mais ça, tu vois, ça me fait penser exactement à un film. C'était Mirrors, vous l'avez vu, je sais pas. Oui, Mirrors. Oui, dans... Et en fait, à chaque fois... Attends, Mirrors, ce qui veut dire quoi, Xavier? J'allais dire Mirrors. Ouais, c'est très bien. Bravo. Non mais Mirrors, donc vous l'avez vu, ouais. Ça se passe dans un endroit où il y a plein de miroirs, non ? Non, en fait, c'est que dans chaque miroir, il y a des entités qui sont visibles. Donc en fait, quand tu l'as raconté, j'ai eu l'image. Et en fait, ça doit être horrible, imagine. T'es en train de te brosser les dents ou de sortir de ta douche, t'as de la buée et tu vois une situation. Non, mais c'est encore un coaching mental. Tu vois hein. un gars ou une entité qui est derrière toi. Ouf. Mais ça c'est encore avec du coaching mental. Si on veut parler avec un défunt qui a disparu, il faut vraiment le faire seul et visualiser, se concentrer. Ça se fait pas en 30 secondes quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu tous les moyens de communication. Donc pour conclure, moi je dirais que si le deuil est trop difficile, si vous avez besoin de cela pour avancer, alors allez-y, mais soyez prudent, vous n'êtes pas à l'abri d'un incident. Le monde des morts fascine et passionne, mais nous sommes encore à l'heure actuelle incapables de donner d'affirmation quant au fait que cela existe ou n'existe pas. C'est une des choses les moins explicables à l'homme. nous-mêmes, nous ne pouvons pas cacher que plusieurs choses nous dépassent. Personnellement, la mort n'arrête pas l'amour. Donc pour moi, il n'y a pas... nous ne sommes pas que physiques et je pense que notre âme ne meurt pas nécessairement en même temps que notre corps. Donc continuez d'aimer aussi fort, même après la mort. Continuez d'être bienveillant et doux, même avec vos êtres disparus.